Tu demandes que le camp soit pur, que le mal ne reste pas caché. Tu veux que la lumière entre là où nous aimerions tout garder. Tu exposes ce qui est impur, non pour écraser ou détruire, mais pour guérir ce qui est tordu, pour restaurer au lieu de fuir. Tu n'es pas un Dieu qui ignore, tu n'es pas un Dieu qui tolère, tu es le Dieu qui vient guérir ce que nous cachons sous la terre. Purifie notre camp, Seigneur, nettoie ce qui doit être lavé. Que ta grâce vienne sur nos peurs, que ta lumière vienne tout révéler. Purifie notre camp, Seigneur, non pour la honte, mais pour la vie. Que ton pardon coule comme un fleuve et refasse ce qui était brisé. Tu sais combien nos relations portent souvent des divisions. Mais même là, tu ouvres un chemin, tu invites à venir devant toi. Et c'est ta justice et ta vérité qui disent ce qui est droit. Purifie notre camp. Purifie notre camp, Seigneur.